Bonjour, bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler de la déconstruction, car elle est très présente dans mon travail et dans ma démarche personnelle en général. Je considère qu'il s'agit d'un chemin naturel. On parle souvent de retrouver ses origines, chercher la source, le cœur des choses. Cela nous mène souvent vers des voyages, du mouvement, et parfois, cela mène même au sacré. Nous allons reprendre ces images et percevoir pourquoi c'est important. Tout d'abord, il s'agit de comprendre que c'est une démarche libre, une démarche de liberté, d'affranchissement, sans dogme. C'est une quête singulière, intérieure, personnelle. Aller vers la conscience, apprendre à se connaître, inverser certains pôles, retirer certains voiles, retirer certaines couches, creuser, identifier les filtres, chercher à les extraire pour en distiller une huile essentielle. Apprendre à se comprendre. Du coup, toute la démarche de tous les mots que je vais prononcer jusqu'ici, en fait, je vais parler de plein de sujets qui sont différents et qui sont parfois un peu, peut-être un peu mal, difficiles à expliquer, mais il faut prendre en compte le fait que tout ce que je vais essayer d'expliquer sert en fait cette introduction à la déconstruction. Et c'est un peu une présentation globale, générale, de ce que je fais de mon travail en général, quoi. Donc identifier les filtres, chercher à les extraire et distiller une huile essentielle comme je disais, apprendre à se comprendre, comprendre ses propres mécanismes de défense, chercher à percevoir ce que l'on désire profondément au cœur de soi. En nous subsistent, coexistent ou cohabitent différents types de couches, qu'elles soient sociétales, psychologiques, émotionnelles, spirituelles, etc. Sociétale, bien évidemment, c'est la plus complexe, la plus profonde aussi à mes yeux, car elle implique l'éducation, la coutume, la culture. C'est une très grande échelle qui se nourrit de l'imaginaire collectif en passant par les individus que nous sommes. Le collectif et l'individuel s'auto-nourrissent, se répondent, s'alternent, s'entretiennent l'un l'autre. En somme, ils sont en interdépendance. Pourquoi donc la déconstruction? Comme je l'ai dit, je considère qu'il s'agit d'un chemin naturel. Ce n'est plus une quête de sens, mais d'essence de la vie. Ou plutôt, si quête de sens il y a, c'est au sens, justement, sensoriel du terme. Le jeu de mots ici, la métaphore botte en touche. Parlons désormais de la question de l'identité. L'ego, le je, s'identifie aux choses. Si je me considère comme homme, je m'identifie à tout un imaginaire et un inconscient collectif incarné en moi. Que ce soit par exemple une tenue vestimentaire, une posture, et dans cet imaginaire, dominant, dominé, oppression, etc. Quand je dis imaginaire, attention, évidemment, les oppressions sont réelles. Vraiment, genre, ça a clairement des répercussions. Toute identification, si vous voulez, à un inconscient collectif ou à un imaginaire collectif provoque des répercussions concrètes. Ça ne reste pas dans le domaine des esprits. Par exemple, s'habiller, c'est concret. L'attitude aussi est concrète. D'où le fait, du coup, qu'il y ait des oppressions. Ça dépend à quoi on s'identifie. Et ça dépend du coup aussi de qu'est-ce qu'on fait, quelle part de nous se réalise. Est-ce que c'est la violence? Est-ce que c'est l'oppression? Est-ce qu'on est l'oppresseur? Etc, etc. Donc voilà, donc quand je disais ça, c'est pas justement... C'est pour ne pas dire que les oppressions n'existent pas. Ce qui n'existe pas, en revanche, c'est les différences. Hélas, c'est justement l'identification à un des deux pans de la dualité qui crée les conflits. Car c'est dans la nature même de la dualité que le conflit naît. Pareil, une fonction par exemple. Policier, homme ou femme politique, en s'identifiant à un poste, qu'importe lequel, à un métier, qu'importe, on se connecte aussi à cet imaginaire et cet inconscient collectif. Et il est nourri en soi et agit en interaction avec les autres comme une étiquette, un masque, un uniforme. Agir comme un policier ou une policière, comme un homme ou une femme politique, ou un ou une musicienne. Pour donner un exemple concret, il suffit de voir le rapport que... Bon, j'ai essayé de prendre plutôt un... Je vais pas trop mouiller. Je vais essayer de prendre un exemple de plus neutre, comme par exemple la danse, par exemple. Souvent dans les cours, la rigueur est demandée, dans les grandes écoles. Elle est le ciment. Elle donne presque l'illusion que c'est essentiel. C'est l'essentiel pour réussir. Quitte à entretenir avec son corps un rapport particulier qui est dû à l'imaginaire et à l'inconscient collectif de ce qu'est un ou une danseuse. Ceci peut provoquer des attentes qu'on intériorise très très profondément et qui dépassent même la rationalité, le fait de ne pas comprendre pourquoi est-ce qu'on est, on a ces troubles, par exemple alimentaires. Vous savez, par rapport au corps, quoi, le rapport au corps qui change dû à l'identification en fait, d'être danseur ou danseuse. On a vraiment un rapport différent au corps et parfois à l'extrême. Alors qu'à la base, l'art c'est pour s'amuser, quoi. Donc c'est assez intéressant de voir que si on se dit que tel art se pratique de cette façon et pas autrement, et qu'il y a là les attentes, etc., comment on intériorise ça et comment après on devient une marionnette un peu de cet inconscient collectif si on n'a pas réussi à travailler sur nous-mêmes. Et au passage, c'est super important de travailler sur nous-mêmes dans toutes les professions, dans tous les arts, ou importe, dans toutes nos identifications, pour les ouvrir et justement proposer, libérer l'inconscient collectif justement de ça. Être policier, c'est pas forcément se comporter comme ça. Être homme ou femme politique, c'est pas forcément se comporter comme ça. Être danseur ou danseuse aussi, etc., etc., etc. Et en agissant, justement, en transformant l'inconscient collectif, au passage, on permet justement d'ouvrir et de libérer, en fait, cet inconscient collectif. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Parce que, en fait, tout ceci, voilà, comme je disais, pour provoquer des attentes, des troubles à l'alimentation, dépassement jusqu'à l'usure, violence, etc. Pour tout que ce soit, là, j'ai un peu tout mélangé, mais c'est plein de petits exemples pour montrer comment tout ça a des répercussions concrètes. Et tout ça sert surtout à montrer ceci. Le fait que lorsque l'ego choisit une identité, il se connecte à tout l'inconscient collectif qui s'y trouve. Dans toutes les professions, dans toutes les couleurs, toutes les étiquettes. Métalleux habillé en noir. Amateur de reggae, fumeur de joint. Je dis pas que les amateurs de reggae fument des joints. Je dis que dans l'inconscient collectif, on rattache instantanément ça à ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc du coup, c'est pas forcément vrai, c'est vraiment l'inconscient collectif qui interagit avec toutes ces questions d'identité, tous ces masques. Tout cela veut dire quoi, du coup ? C'est pas pour les juger, évidemment, bien au contraire, mais pour faire une démarche très singulière, une corde fine, étroite, entre les contraires, pour tenter de les embrasser. C'est ça, en fait, pour moi, la déconstruction. C'est une invitation à être à la fois au cœur et hors du monde. Au cœur, seul, on souffre, on est enfermé. On subit la violence du monde, les peines, les injustices, les combats, les difficultés de ne pas se sentir oppressé par le rejet des différences, par les oppositions. On est comme... On pense que par l'étiquette ou l'inconscient dans lequel on baigne. Et au-delà uniquement, on pense être éloigné du monde, ou vouloir l'être, pour se protéger en gros, et pour justement, par rejet en quelque sorte, de ce que ce monde nous propose, ou telle profession, ou telle société, etc. Mais en fait, on subit aussi la violence du monde, parce que au lieu chercher en gros à être juste en opposition et à en sortir, au final on est très souvent en fait malheureux ou malheureuse, quoi. On subit en fait toujours, et de façon plus puissante aussi, il me semble. Car on croit être en dehors du monde à ce moment-là, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Genre, la société vit à travers nous tous et toutes, et notre éducation, la société, c'est nous, à travers chacun et chacune d'entre nous, et on est structuré par elle dès l'enfance. Même être contre quelque chose, c'est être contre quelque chose qui en nous existe déjà. C'est les deux pièces, en fait, être pour ou contre quelque chose, c'est les deux pièces, deux facettes d'une même pièce, en quelque sorte. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Genre, la société nous structure par l'éducation, notre pensée, même notre opposition sur ce qu'est le monde, nos oppositions. C'est juste, cette opposition, ce n'est autre que le monde, la culture qui vit en nous, qui pense s'opposer à elle-même. Autrement dit, l'acceptation et l'opposition des maux du monde, comme je disais, ne sont autres que les deux facettes d'une même pièce. Ceci n'est pas, du coup, pour critiquer le fait d'être contre les injustices du monde, évidemment, très très très très loin de là, mais pour montrer que ce n'est pas suffisant. Et que l'inverse aussi n'est pas suffisant non plus. Être juste en plein cœur. Ce qui compte en fait, c'est justement d'être à la fois au cœur et au-delà. Au cœur, au sens propre du terme. Chercher le cœur du monde, avec son propre cœur. Chercher non plus à être contre, mais plutôt au-delà. Sortir des boucles. Trouver d'autres façons de changer ce monde. Par l'imagination, par la créativité, par l'incarnation de nos propres hautes aspirations. Pour cela, d'ailleurs, ça demande de libérer l'ego, ça demande aussi de réussir à identifier quelles sont nos plus hautes aspirations. Car bien souvent, ce sont nos propres limites qui provoquent ou perpétuent les conflits qui se trouvent alors jusqu'à se perpétuer en fait à travers toutes les facettes de la société par le biais de l'inconscient collectif. Ainsi, chercher la conscience, chercher à ne plus perpétuer ce qui provoque les conflits dans le monde, passe probablement par le dépassement de la dualité. Il n'y a plus de bien ni de mal. Il y a alors ce qui rassemble ou ce qui disperse. Il y a ce qui construit ou ce qui détruit. Et dans ce rapport différent au monde, le champ des possibles s'élargit. Car toute énergie n'est ni bonne ni mauvaise. C'est ça dépasser la dualité. Seul compte vers quelle direction nous cherchons à la mener, vers quelle volonté, qu'est-ce qu'on cherche à réaliser, vers quelles aspirations. Et compte alors le dosage, la minutie. Un zeste de colère, mais pour se mettre en mouvement, etc., etc. Et de ce qui est de l'identité, l'ouvrir se fait en plusieurs étapes. Il faut réussir à trouver des formes d'identité qui ouvrent, mènent vers le décloisonnement. Car plus on englobe, plus on embrasse, moins on divise, moins on séquencie, pardon, moins on oppose. Par exemple, le concept qui d'ailleurs, pour certaines vies, n'est pas un concept, mais une réalité vivante, réelle, concrète, mais ici j'en propose une métaphore, une image, c'est celle de l'androgyne. L'être ni masculin, ni féminin, embrassant les deux, dans l'origine, avant la première binarité. Ceci permet de s'affranchir de l'opposition binaire des deux sexes. Ni homme, ni femme, les deux, aucun des deux. Et ceci, on peut l'agrandir à tout, dépasser les métiers, les professions. Chercher, en somme, à toujours aller vers l'ouverture. Par exemple, l'être humain n'est pas une espèce supérieure ou inférieure aux autres espèces. Elle est le reflet de la nature. Elle est la nature qui est consciente d'elle-même, qui interagit avec elle-même. Un coucher de soleil, c'est un coucher de soleil qui se contemple à travers nos yeux. Les relations entre l'humain et le cheval, ou le chien, ou le chat, ou toutes les autres espèces, tout ceci a un impact qui dépasse la simple espèce. C'est un rapport de conscience, d'esprit, de chair. Je sais que c'est un petit peu abstrait, mais c'est pour montrer qu'on a un rapport égocentrique à nous-mêmes, comme à notre propre espèce. Or, quid du je, si nous ne sommes qu'un assemblage d'atomes, de cellules, de sang, de chair, de muscles, d'émotions, de pensées, d'idées, de souvenirs, d'images, etc., etc., etc. Le « je » organise un monde, le structure. Mais son origine est une folie, un chaos. Regardons autrement. Le « je », c'est comme si c'était une folie qui se prenait au sérieux, qui cherche à mettre du sens, et qui y croit fortement, bec et ongle, à cette construction de cause et d'effet. Or, c'est nous qui mettons du sens. Du style « il m'est arrivé ça, et c'est pour ça que je suis comme ça. » Ou encore, on va trouver des signes, on va interpréter des choses dans un sens ou un autre, en puisant dans les souvenirs, les projections, ce qu'on veut. Tout ceci n'est que folie en soi, de prendre ça pour vrai, pour concret. C'est nous qui l'avons construit, ça. Indirectement, inconsciemment, mais c'est nous qui l'avons construit. En soi, c'est nous faisons que raconter une propre histoire de nous-mêmes. Nous avons un rapport subjectif de nous-mêmes. Nous ne sommes pas objectifs. Nous avons des goûts, des préférences, et nous mettons des mots sur des choses que nous voulons et que nous avons, que nous ne réalisons pas forcément aussi. Je sais que c'est abstrait tout ça, mais je pense qu'on peut trouver facilement en soi des exemples qui montrent concrètement comment justement en fait le « je » organise un petit peu en quelque sorte un monde, mais qui en soi est taillé sur mesure pour nous-mêmes, qui va dans un sens qu'on veut, ou qu'on aimerait aller, ou qui, pareil, même dans les souvenirs, on séquence les souvenirs, on choisit, on a même un regard un peu qui est déjà... qui est très subjectif. Par exemple, admettons qu'il se passe quelque chose dans la rue, et que nous sommes trois, nous allons probablement voir trois choses différentes. Nous allons nous attacher à des détails différents, qui nous rattachent à notre histoire différente. Voilà, c'est un peu ça l'idée que je voulais transmettre ici. En gros, le jeu organise un monde, le structure. Et tout ceci donne un sens. Et c'est pas une mauvaise chose, bien évidemment. C'est peut-être une façon de permettre à la conscience, justement, d'avoir conscience d'elle-même, de s'organiser, de s'extirper du chaos et créer un ordre dans ce dernier. Ainsi, seul compte donc le sens que l'on donne à sa propre vie. Les rêves que l'on veut réaliser, qu'importe leur forme. Une maison, bâtir une famille, une carrière, un idéal de vie, etc. Tout ceci, je pense, puise dans un retour à un bonheur durable, puissant, premier, originel. Donner du sens à sa propre vie, ressentir des aspirations pour une réalisation. Nous sommes tous et toutes animés par cela, de façon singulière, unique, en fonction de chacune et chacun, et de façon fluctuante au cours de la vie. C'est quelque chose qui se situe bien plus en profondeur que dans les pensées ou les émotions. C'est quelque chose qui demande à être identifié et qui cherche ensuite à se réaliser. Il y a donc d'un côté cette quête de réalisation dans la forme. Et nous ici, ce qui nous intéresse, c'est le travail qui va en sens inverse, qui va vers une quête de réalisation dans la souche du monde. Ce rubis qui se trouve en nous tous et toutes. Chercher les profondeurs. Car la forme divise, tandis que le fond rassemble. Le fond dépasse les apparences. Les abysses, les profondeurs de l'être. La forme, elle, c'est la forme des idées, les formes corporelles, matérielles, les pensées, les émotions, etc. C'est le lieu, en fait, où la dualité existe par nature. Les couleurs, beau, belle, moche, grand, petit, fort, forte, faible, etc. Bleu, rouge, etc., etc. Lorsque la surface est déracinée, coupée de la souche, des profondeurs, l'on reste coincé dans un rapport fortement conditionné, dépendant des formes, et cela donne la société du spectacle. Cela donne le jugement de valeur à outrance, la culture de l'ego. Les politiques passent devant les caméras, se maquillent, mettent en valeur leur charisme. La forme prime sur le fond. Les discours sont travaillés et sont jugés essentiels pour accéder aux postes politiques. Cela donne des effets d'annonce. Le roi des formes, annonçant des mesures pour répondre à telle émotion, tel électorat, etc. Sans avoir de réelle vision profonde. Je généralise, sans rentrer dans le détail, mais il est si aisé de voir comment nos sociétés privilégient la forme avant le fond. Les publicités qui jouent avec les couleurs, les sens, pour nous attirer, nous aguicher. Jouant sur les effets d'annonce, pour faire parler d'eux et elles. Et dans les vies individuelles, cela donne tout un jugement des formes. Les oppositions d'idées, jusqu'à l'incapacité d'établir un pont entre les opposés. Droite, gauche, couleur, religion, culture. À force de filtres, à force de couches entre les individus, des murs sont de plus en plus érigés, et il existe de plus en plus d'écarts et de possibilités de s'entendre. Manque d'empathie, incapacité de se mettre à la place de l'autre, de comprendre que son point de vue est le fruit d'une histoire, de choix personnels, etc. Bon, de tout cela j'en parlerai plus tard, dans un podcast plus concentré sur la déconstruction au sein de la société, car celui-ci, ce podcast-ci, est concentré sur une portée plus générale, globalisante. Ainsi, il suffit de voir le pouvoir de la communication dans la plupart des sociétés occidentales, la puissance des logos, des symboles. Il suffit de voir la place primordiale de la communication en politique. Ceci en dit long, sur la structure de nos sociétés. Un logo d'une marque, et on reconnaît la marque. Un symbole, Marianne. Les statues des personnages qui ont accompagné, façonné l'histoire. Et j'irai beaucoup plus loin encore. On peut parler des mots eux-mêmes. Un objet, une tasse par exemple, n'est pas un arbre. Car le sens des deux mots est différent. Il y a une frontière, une définition pour un mot et pour un autre. Or, c'est un objet, la tasse en l'occurrence. Et quelqu'un qui ne vient pas de notre société ne saura pas forcément à quoi correspond telle marque, telle utilité pour un objet, etc. Tout ça pour dire que les mots créent une forme quelque part, enferment un sens, une définition. Ils façonnent le monde humain, structurant le vide comme toile d'araignée. Or, le monde humain n'existe pas en tant que tel, et c'est là la folie collective qui crée tant de conflits à toutes les échelles, de soi jusqu'à l'échelle du monde. croire que notre propre jeu existe, que notre propre moi existe. Une grande partie, est le fruit d'une construction humaine artificielle. Coutumes, culture, éducation, choix, actes, etc. Tout ce qu'on fait, aussi nous façonne. Construction. Et c'est là l'illusion. Croire que les choses existent en soi. Et les mots nourrissent cette illusion, si l'on reste enfermé dans leur sens, leur définition, leur contradiction. Si on prend au mot les mots, on pourrait aller plus loin pour parler de la construction. Un corps, par exemple, est l'assemblage de l'alliance symbiotique ou conflictuelle faite à chaque instant entre les cellules, les organes, la chair et les pensées, les émotions, l'imagination, etc. etc. Une société structurée à partir du paraître, de l'apparence, contient en soi les germes de la division, du conflit permanent. C'est dans sa nature primordiale. Pour combattre cela, il faut aller en profondeur, ou du moins recréer un lien entre la forme et les profondeurs, mais que les profondeurs soient l'origine, la source. Car c'est en profondeur qu'on rencontre l'essence, et l'essence contient les points communs, les ponts, la source des choses. Ici, le conflit n'existe pas par nature. Tout est modelable, fluide, uni dans un courant, une mélodie. Dans le mot vient alors de naissance, d'où le paradoxe. Comment mettre les mots au service du silence enfoui au plus profond de l'être? Comment partir du ressenti, mettre en mots un ressenti, quelque chose qui par nature est plus libre que les mots eux-mêmes? Soi, les autres, je, tu. Ceci n'existe que dans le monde des mots. Dans d'autres cultures, par exemple, la frontière est moins épaisse, différente. Identification à un groupe, à une famille, à une idée, etc. L'identification fera l'objet d'un autre podcast. En profondeur, il n'y a plus de conflit. C'est ce qu'en surface, on cherche désespérément, se sentant séparé de quelque chose, et donc en proie aux peurs. Séparé du bonheur, de la source. L'amour, la foi, l'art comblent ce vide. Comment alors aller en profondeur? Quelles sont-elles? Pour cela, deux travaux sont possibles. Un dans les hauteurs, un autre dans les abysses. Heureusement, tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Tout d'abord, dans les abysses, visiter, explorer, voyager son être. Être attentif, s'écouter. Regardez avec l'œil de conscience nos actes, nos choix, nos idées, nos pensées. Cherchez à ne plus s'identifier. Changez de priorité dans l'identité. Ne plus être le « je », mais être l'écoute de ce « je ». Pensez, idées, émotions, sensations. Écoutez avant de choisir. Écoutez avant de vouloir. Vouloir écouter. Cela n'est pas une démarche passive. Loin de là, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Au contraire, cela revient à concentrer l'énergie vers sa volonté et s'aligner avec. Car écouter revient à percevoir le défilement de toute notre existence et en elle, réaliser ce que l'on veut vraiment. Par exemple, l'on peut avoir mille et une idées, mille et une pensées, la pire comme la plus belle. Et ce qui compte, c'est le choix que l'on va opérer à ce moment-là, comme à tout instant. À tout instant. Je peux choisir de détruire ou construire, frapper ou embrasser, faire souffrir ou engendrer le sourire, pour soi, pour les autres, entre les deux. En soi, on porte toute l'humanité. Seul change les formes, seul change les apparences. D'où l'importance de l'art, la créativité, la création. Car l'on peut faire la démarche d'identifier en soi ce que sont nos aspirations les plus élevées. En revanche, passer à l'incarnation, donc aller vers les abysses, c'est parfois plus difficile. Habitudes ancrées, difficultés à surmonter certaines façons de faire ou de voir les choses. La rectitude est parfois rude et très minutieux est le chemin vers l'alignement avec notre essence, la fibre la plus profonde. Nous avons la philosophie, la psychologie, la médecine, bien des méthodes pour tenter de changer quelques détails. Mais la structure est difficile à transmuter. C'est possible avec la philosophie, mais, ceci est un avis très personnel, il semblerait qu'une grande partie de son expression soit déracinée de son origine. À la base, la philosophie cherche à comprendre le monde et à aligner l'être vers la voie du bonheur. Cependant, pour beaucoup d'ouvrages ou de penseurs et penseuses, ce sont devenus des mots complexes et une pensée ne faisant que nourrir une pensée. C'est une tête qui cherche à vivre, mais qui ne reste que dans sa tête. C'est ça l'idée de déracinement, une volonté de se connecter à la vie tout en s'en éloignant paradoxalement, en nourrissant une pensée autonome qui se complexifie aux concepts et aux idées qui s'opposent et qui s'auto-rectifie mais enfermée dans la réflexion, alors que le but est de sortir et de se mettre au service de la vie, de l'existence hors de la tête, ou du moins aligner la tête au cœur et au ressenti. Que l'intelligence ne soit plus ce mot galvaudé qui ne suffit juste raisonnement en fait, mais que l'intelligence soit celle de l'être tout entier, de tous ses sens, de tout le ressenti, les intuitions, etc. Et surtout l'écoute, l'écoute hors de la tête, apprendre à entendre autre que soi, apprendre à écouter et ne penser que quand on veut vraiment penser. Sinon le reste, on est dans une présence, une écoute, et on est pleinement dans ce qu'on fait. Tout nœud mental, quel qu'il soit, n'est rien de plus qu'une tête qui tourne en rond. Toute question, toute réflexion est une tête qui pense le réel. Or, le réel est ailleurs. Il est au cœur de la vie. Il est dans le ressenti. La philosophie véritable, à mon sens, est celle qui mène au silence de l'esprit et à l'incarnation, à l'écoute des sens, à une sortie de tête, ou plutôt, comme je l'ai dit, une tête au service du cœur, et une présence pleine et entière, dans le corps, dans l'organique, dans le rapport à celui-ci. Une pensée au service de la vie. Et c'est là que l'art entre en jeu. Lui, ce mot qui est déjà plus libre que les autres mots, dans le sens où, je vais reprendre l'exemple de la tasse de tout à l'heure, si je dis que c'est une tasse, on va y voir une tasse et tout ce qu'on projette sur ce qu'est une tasse et à quoi ça sert. En revanche, si je dis que c'est un Picasso, on va la voir différemment. On va chercher à comprendre ce qu'il y a derrière, pourquoi est-ce que Picasso a essayé de faire ça, qu'est-ce qu'il a voulu représenter. Et bien derrière tout ça, c'est l'étiquette œuvre d'art, qui est elle-même plus ouverte que les autres mots. Mais elle aussi a sa propre étiquette art, avec tout ce qui va derrière, évidemment. Mais le but, voilà, c'est d'essayer de s'affranchir des mots et des concepts, et donc on peut y aller progressivement en cherchant toujours à aller dans des directions des mots ouverts, comme oui, peut-être, possible, ou étiquette œuvre d'art, par exemple. Donc voilà, le mot art est un mot affranchi, mais lorsqu'il s'affranchit cependant de lui-même, quoi. Lorsque l'art dépasse le mot art, en quelque sorte, et devient une incarnation sans définition. Prenons l'exemple des églises, des mosquées, des temples. Les gens prient dans l'art, qui fut inspiré par le sacré. C'est-à-dire que, voilà, les artistes qui ont fait le temple, etc., essayaient de représenter le sacré à travers leur art. Donc les gens prient dans l'art, en fait, c'est ça qui est intéressant, du coup. Les bâtisses sont des œuvres d'art. Les œuvres et les hommes et les femmes politiques, par exemple, sont des figurants et des figurantes, ils sont éphémères. Maison Blanche, Élysée, palais royaux, etc. Le pouvoir se pérennise et se cristallise dans les bâtiments, qui eux et elles, enfin les bâtiments, restent. Ce sont les gens qui sont des figurants. Donc on peut décloisonner l'ego et se rendre compte qu'en fait, les gens ne sont que de passage. Or, finalement, le pouvoir, on a dit tout à l'heure que le sacré, ben voilà, c'est l'art aussi pour les temples, etc. Mais pareil pour le pouvoir aussi, c'est des bâtiments aussi peut-être, les châteaux aussi, etc. Les châteaux d'ailleurs, c'est intéressant, parce que c'est pour la guerre, donc c'est-à-dire l'art contribue aussi à... Enfin, peut-être que on peut voir aussi la présence de l'art dans la guerre aussi. Et on peut revenir sur les statues aussi, les statues aussi, c'est une œuvre d'art qui rend hommage à des individus ou des systèmes politiques, etc. Voilà, c'est pour montrer la puissance de l'art, en gros, dans le monde, le pouvoir de l'art. Et aussi, on peut penser aux chanteurs et chanteuses, les gens qui réunissent des millions de gens. C'est quand même incroyable aussi, c'est le pouvoir de l'art. L'art dirige le monde. Et Et l'art a aussi le pouvoir de la faculté d'aller dans la direction que l'on souhaite. Et c'est ainsi que j'invite à conscientiser son rapport à la créativité. Par exemple, moi je cherche à neutraliser mes poèmes, à embrasser les opposés, à ouvrir le monde, dépasser les préjugés, effacer les filtres. Je cherche également un rapport au sacré, libre et affranchi des dogmes. Un rapport au sacré que chacune et chacun trouve en soi et lui permet de percevoir le monde avec profondeur, beauté et en désirant en prendre soin comme un oisillon. Ceci effaçant la paroi entre le je et l'autre. Mais c'est une démarche singulière qui mène à une recherche personnelle d'incarnation, d'inspiration. La recherche dans l'art nous façonne, nous métamorphose. Grâce à l'art, nous devenons ce vers quoi nous allons. Il libère les potentiels. Car nous nous bridons bien souvent, incapables de réussir ceci, frileux et frileuses de tenter cela. Mais l'art permet d'ouvrir, décupler, permet de rechercher ce que nous désirons réaliser. De façon libre et infinie, sous toute forme possible. Dessin, peinture, écriture, expression corporelle, musicale. Mille et une façons de se réaliser. Comme de réaliser ses plus hautes aspirations envers soi et envers le monde. Réaliser le pont entre les deux. Les embrasser. Embrasser la surface, la forme et les profondeurs. Voilà pourquoi la déconstruction est une démarche pour moi naturelle. Aller vers la source, l'origine du monde. Et voilà pourquoi l'art est l'outil entre guillemets naturel pour l'être humain pour y accéder, pour retrouver son potentiel plein et entier. Voilà tout ce que j'avais à dire sur la déconstruction, même si, bon, évidemment, il y aurait possibilité d'en dire beaucoup davantage encore, mais c'est une introduction, et puis j'espère que celle-ci vous a plu, et puis à très bientôt pour un nouveau podcast. D'ici là, prenez soin de vous, et plein de belles choses.